Ovide, les Pontiques, traduction 1838 sous la direction de Monsieur Nisard, livre 1, lettre 3. À Ruffin. Ruffin, Ovide ton ami, si toutefois un malheureux peut être l'ami de quelqu'un, Ovide te salue. Les consolations que j'ai reçues de toi dernièrement, au milieu de mes chagrins, ont ranimé mon courage et mon espérance. De même que le héros, fils de Péan, sentit après que Macaon l'eut guéri de sa blessure, la puissance de la médecine, ainsi moi, dont l'âme était abattue, qui souffrait d'une blessure mortelle, j'ai recouvré quelque force en lisant tes conseils. J'allais mourir, et tes paroles m'ont rendu à la vie, comme le vin rend au pouls le mouvement. Toutefois, malgré ton éloquence, je ne me sens point assez complètement raffermi pour que je me croie guéri. Quelque chose que tu ôtes de cet abîme de chagrin dans lequel je suis plongé, tu n'en diminueras pas le nombre. Peut-être qu'à la longue, le temps cicatrisera ma blessure, mais la plaie qui saigne encore frémit sous la main qui la touche. Il n'est pas toujours au pouvoir du médecin de guérir son malade. Le mal est quelquefois plus fort que la science. Tu sais que le sang que rejette le poumon délicat est l'avant-coureur de la mort. Le dieu d'Épidore lui-même apporterait ces végétaux sacrés, que leur suc ne guérirait pas les blessures du cœur. La médecine est impuissante contre les maux de la goutte, impuissante contre l'horreur qu'éprouvent certains malades à la vue de l'eau. Quelquefois aussi le chagrin est incurable, sinon il ne perd de son intensité qu'avec le temps. Quand tes avis eurent fortifié mon courage et communiqué à mon âme toute l'énergie de la tienne, l'amour de la patrie plus fort que toutes les raisons détruisit l'œuvre de tes conseils. Que ce soit piété, que ce soit faiblesse, j'avoue que le malheur éveille en moi une sensibilité excessive. La froide raison d'Ulysse n'est pas douteuse, et cependant, le plus grand désir du roi d'Ithaque était d'apercevoir la fumée du foyer paternel. Je ne sais quel charme possède le sol natal pour nous captiver et nous empêcher de l'oublier jamais. Quoi de meilleur que Rome? Quoi de pire que les rivages de Scythie? Et cependant, le barbare quitte Rome en toute hâte pour revenir ici. Si bien qu'elle soit dans une cage, la fille de Pandion aspire toujours à revoir ses forêts. Malgré leur instinct sauvage, le taureau cherche les vallons boisés où il a coutume de paître, et le lion l'antre qui lui sert de retraite. Et tu espères que les soucis qui me rongent le cœur dans l'exil seront dissipés par tes consolations. Ô vous, mes amis, soyez donc moins dignes de ma tendresse, et je serai peut-être moins affligée de vous avoir perdu. Sans doute que, bannie de la terre qui m'a vu naître, j'ai trouvé une retraite dans quelque pays habité par des hommes. Mais non. Reléguée aux extrémités du monde, je languis sur une plage abandonnée, dans une contrée ensevelie sous des neiges éternelles. Ici, dans les campagnes, ne croissent ni la vigne, ni aucun arbre fruitier, le sol n'y verdit point sur les bords des fleuves, ni le chêne sur les montagnes. La mer ne mérite pas plus d'éloge que la terre, toujours privée du soleil et toujours irritée, les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses. De quelque côté que vous portiez les regards, vous ne voyez que des plaines sans culture et de vastes terrains sans maître. À droite et à gauche nous presse un ennemi redoutable, dont le voisinage est une cause de terreur continuelle. D'une part, on est exposé au pic des Bistoniens, de l'autre aux flèches des Sarmates. Viens maintenant me citer l'exemple de ces grands hommes de l'Antiquité qui ont supporté avec courage les revers de la fortune. Admire l'héroïque fermeté de Rutilius, qui refuse la permission de rentrer dans sa patrie et continue de rester à Smyrne, et non dans le pont ni sur une terre ennemie, à Smyrne, préférable peut-être à tout autre séjour. Le cynique de Sinope ne s'affligea pas de vivre loin de sa patrie. Oui, c'est toi, terre de l'Attique, qu'il avait choisie pour sa retraite. Le fils de Néoclès, dont l'épée repoussa l'armée des Perses, subit son premier exil à Argus. Chassé d'Athènes, Aristide se réfugia à Lacédémone. Et alors on ne pouvait dire laquelle de ces deux villes l'emportait sur l'autre. Patrocle, après un meurtre commis dans son enfance, quitta Oponte, alla en Thessalie et y devint l'hôte d'Achille. Exilé de Lémonie, le héros qui guida le vaisseau sacré sur les mers de Colchide, se retira près des bords de la fontaine de Pyrène. Le fils d'Agénor, Cadmus, abandonna les murs de Sidon pour fonder une ville sous un ciel plus heureux. Tidée, banni de Calydon, se rendit à la cour d'Adraste et Teucer trouva un asile sur une terre chérie de Vénus. Pourquoi citerai-je encore les anciens Romains? Alors l'exil n'allait jamais au-delà des limites de Tibur. Quand je compterai tous les bannis, je n'en trouverai aucun et à aucune époque qu'on ait relégué aussi loin et dans un pays si affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la douleur d'un infortuné qui profite si peu de tes conseils. J'avoue, cependant, que si l'on pouvait guérir mes blessures, tes conseils en seraient seuls capables. Mais hélas, je crains bien que tes nobles efforts ne soient inutiles, et que ton art n'échoue contre un malade désespéré. Je ne dis pas cela pour élever ma sagesse au-dessus de la sagesse des autres, mais parce que je me connais moi-même mieux que les médecins. Quoi qu'il en soit, je regarde comme un don inappréciable tes avis bienveillants, et j'applaudis avec reconnaissance à l'intention qui te les a dictés.